de famille, au cœur tendre et fidèle. Nous venons tous les deux de fêter tendrement un autre anniversaire joyeux qui nous rappelle notre union bien heureuse il y a presque 40 ans. Car ce fut le début d'une belle aventure où la main dans la main face à notre destin, nous avons parcouru sans effet, sans rupture, notre marche en avant tout le long du chemin. L'avenir des enfants fut notre lien suprême, enrichissant nos vies inoubliables instants. Chacun donnant de soi le meilleur de lui-même pour fonder un foyer harmonieusement. Tes grandes qualités de maman et de femme ont su toujours guider le bateau familial sur des eaux rassurantes où seulement s'enflamme le désir permanent du bonheur conjugal. Parvenu à l'automne d'une existence heureuse, un peu de nostalgie sur nos chers souvenirs. Nos mains se peignent fort en ces heures songeuses, et nos deux cœurs se joignent dans un même soupir.